Le crépuscule embrasse la forêt. Le bayou s'endort, l'ombre est secrète. Riderskell écoute le chant ancien. Sur Twitch, les drops tombent sans fin. Les étoiles naissent dans le ciel. Chaque note est un pacte d'amour. Les pas foulent la terre encore chaude. Les âmes chantent sous la voûte. Riderskell avance, silhouette calme. Dans la nuit, il porte la flamme. Les drops résonnent, battent la mesure. Sur Twitch, la voix trouve sa nature. Le combat dure, la force écrit. Chaque son forge un nouvel abri. Les voix s'élèvent pleines de ferveur. Elles apaisent les cœurs en douleur. Le gospel embrasse le silence. Dans chaque prière, la délivrance. Riderskell marche, gardien des flammes. Sur Twitch, il rallume les âmes. Chaque drop est une promesse. Dans cette nuit. Ils font l'air prêt à guider. Chaque drop éclaire la nuit danse. Dans cette lutte, il fait la différence. Sur Twitch, la foule s'embrase. Chaque note est une extase. Le feu sacré illumine l'espoir. Dans cette nuit, il est notre phare. On reconstruit malgré les peurs. Chaque larme devient couleur. La foi grandit. Riderskell garde la voix claire. Sur Twitch, il chasse le désespoir. Chaque drop est un souffle d'air. Dans cette nuit, un nouveau repère. Le bayou chante sa mélodie. Dans le silence, la nuit s'enfuit. Riderskell conduit la lumière vers un futur sans frontières. Les pas résonnent dans la vallée. Sur Twitch, la nuit. Chaque drop est un cri d'espoir. Dans ce combat, un nouveau départ. Les voix s'entrelacent en prière. Chaque note éclaire la lumière. Riderskell avance sans peur. Dans cette la lueur. s'efface, le jour pointe. Highest Kill chante. La foi le joint, la force est en chaque voix. Dans cette nuit, il est la loi. La bataille fait rage dans la ville. Highest Kill avance à ville. Chaque drop est un cri de victoire. Sur Twitch, la foule est en gloire. Les voix s'élèvent fortes et claires. La musique brise les barrières. Le son. La force grandit. Dans cette nuit, l'espoir survit. Échange rasé. Twilight glow. Riders kill leave. Where shadows flow. Drops fall soft. Like evening rain. Together we heal. Break the chain. Twitch call. S'achève l'aube naît. Riders Kill s'en va. Prêt à lutter. Sur Twitch, les drops tombent encore. Dans ce monde, ils forgent l'aurore.